Bah vas-y, moi je commence, je m'appelle Elias, je suis en terminale à Agora et je suis là dans le cadre de mon projet professionnel, devenir animateur radio. Je m'appelle Henri-Jean Kongo, j'ai 18 ans, je suis élève au lycée Charles Baudelaire-Hamot en accueil. Je suis ici dans le cadre de mon projet théâtre, la représentation sur scène. Moi je m'appelle Noah Maoui, je suis en TEMAC, pareil, dans terminale métier de l'accueil. Maïla, je suis en classe de terminale Agora au lycée Charles Baudelaire de Meaux. Moi c'est Lohan, je suis en classe de terminale en vente à Baudelaire. Alors bonjour, je me présente Salif, élève du lycée Charles Baudelaire dans la classe de la TMCV3. Bonjour, moi aussi Marius Noël dans la classe de TMCV3 au lycée Charles Baudelaire. Pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de solide entre deux personnes ou plusieurs personnes et avec qui on peut tout faire, tout raconter. Et, voilà. Il y a des amitiés qui seront plus fidèles que les autres. On a tous eu des amis d'enfance, je sais pas, une personne qu'on va dire « ouais, c'est mon gars sûr et tout, c'est mon pote, on va jamais se clasher ». On voit qu'à la fin du collège ou à la fin du lycée, on n'est plus avec alors qu'on se disait qu'on allait toujours être liés et tout ça. Pas une grande bande, c'est pas beaucoup de personnes dans l'entourage. On peut avoir des copains, des copines, mais l'amitié c'est différent si on est vraiment proche et qu'on va garder. Il va en avoir que 2, 3, 4 dans la vie, des vrais amis, contrairement aux autres, ça va être des copains. En fait, je peux pas te laisser dire ça parce que moi je peux te dire que moi j'ai des amis de très longue date, tu vois. Je sais pas, ça parle en 10 ans, 11 ans. Avant, moi, j'étais à ECR. Maintenant, là, j'ai déménagé sur Meaux. C'est quand même, on parle d'à peu près 200 km, 2 heures de route. C'est pas ça qui va arrêter l'amitié. C'est pour ça que faut bien choisir ses amis. Faut choisir des amis qui vont vous soutenir dans les projets que vous faites et qui vont pas vous cracher sur le dos à la première occasion venue. Quand j'étais au collège, peut-être en 6e, quand j'étais dans l'école privée encore, c'est vrai que j'étais dans une classe où il y avait, excusez-moi du terme, il y a que des blancs. Et j'étais seul noir, donc... Pour autant, je me sentais pas trop rejeté, mais une sorte de... Pas mise à l'écart, mais un petit peu quand même. Mais léger. Tu ne sentais pas ta place. Ah, pas ma place. Voilà. Ah, ça, c'est quelque chose. Être rejeté, c'est vraiment la pire des choses. Oui. Être rejeté, même d'une bande, d'un groupe, même de la famille, c'est la pire chose, je pense. L'une des pires choses à avoir. Ouais, mais quand même, je me sentais à ma place parce qu'il y avait des gens dans ma classe qui étaient dans ma classe depuis longtemps, il n'y avait pas de problème, mais juste une sorte de. Tu nous as l'écart, mais je pense que c'est normal aussi, hein, c'est humain. On préfère être avec ce qui nous ressemble. Donc je pense que ça m'a pas trop affecté tant que ça. En fait. Moi, je trouve que ça reste pas forcément une expérience douloureuse parce que quand t'es rejeté, en fait, tu vas ouvrir les yeux et tu vas te rendre compte que forcément, t'as pas forcément besoin de la personne ou des gens. Et même, c'est ce qui va t'aider à te renforcer mentalement comme physiquement. Donc, ça peut être dans un bon truc comme dans un mauvais truc. Racisme, non. Et pour dénoncer un joueur de foot qui faisait des commentaires racistes sur lui. Et du coup, il est parti voir l'arbitre, il a dit « racisme, non ». Du coup, ça fait racisme ou non ? Ça touche beaucoup de personnes, surtout concernant la religion, couleur de peau. Et qui, comment dire ça, c'est énervant qu'il y a des personnes qui subissent le racisme de la rue. Et personne ne réagit. Sinon, racisme en vrai, moi, personnellement, j'ai pas... C'est vrai que j'ai tendance à faire des blagues sur ça. Surtout dans les transports, sur les personnes de couleur de peau, surtout sur les musulmans. J'ai vraiment pas trop subi de racisme dans ma vie, moi. J'ai pas rencontré de vrais racistes, une personne raciste. Donc non, par l'anecdote avec Neymar, je vois pas. En soi, je suis pas d'accord avec toi, tu vois. Parce que quand tu vois qu'il y a un groupe de personnes noires, tu vas pas te sentir différent directement, tu vas te sentir intégré. Alors que si c'est un groupe de personnes blanches, par exemple, tu es dans un meeting et qu'il y a des personnes blanches, tout ça, tu vas te sentir différent, tu vas te sentir à l'écart un peu. Je suis d'accord avec toi, après, dans le sens où tu dis groupe, peut-être que dans ce groupe-là, il y a aussi des personnes qui se voient différentes autour du groupe. Non, voilà, Salif Keïta, dans une de ses musiques, il a dit c'est la différence qui est si jolie. Mmh. Voilà, moi je trouve Salif Keïta, qui est un albinos pour ceux qui ne savent pas, il a pu démontrer que même s'il est blanc, il pouvait s'intégrer dans une famille noire. L'habitude, l'écoute, parler surtout. Très important. Parler pour changer et être accepté. C'est compliqué, par exemple, quand on a des enfants, il y a des enfants qui sont handicapés, ça peut être compliqué d'expliquer le handicap, parce qu'il peut y avoir des moqueries derrière, il peut avoir des moqueries, les gens peuvent vite faire la différence ou peuvent écarter la personne pour pas trop être mélangé à tout ça. On se dit que ouais, on peut pas se moquer et tout ça parce qu'ils sont handicapés. On pense qu'ils ont pas le même humour que nous. Mmh. En fait, on pense qu'on va pas dire des choses pour ne pas les blesser. C'est ça en fait. On a la peur de blesser les personnes handicapées alors qu'on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont trouver ça drôle. Quand, bah, du coup, quand j'étais au collège, j'ai pu me poser la question, est-ce que genre, j'étais si vraiment différent des autres, mais je me suis jamais vraiment identifié comme différent. J'ai pu me poser la question, mais jamais je me suis dit, ouais, je suis différent. Parce qu'il y a un truc, ça s'appelle le trouble de l'attention. Et ça, j'ai un peu appris de ça, ça me permet, genre, en mode, ça me rajoute du temps pour que j'écris plus. Et bah, moi, je vois pas tout ça comme un... En fait, c'est décrit comme un handicap, mais moi... Je vois même pas ça comme un handicap parce que ça m'handicape en vrai en rien. Le trouble d'attention. Juste des fois j'écris pas très. Pas comme les autres, genre une fois. Un tout petit peu plus de temps, mais des fois ça va. Sinon ça va. Hein. Les handicapés s'adaptent plus à notre monde. Les personnes en situation de handicap. En fait je vois pas en quoi si je dis les personnes handicapées, c'est un tabou. C'est pas un tabou. Comme si je disais pour te décrire le noir. Non. Bah si, c'est pas péjoratif pour moi, mais c'est que je suis noir, je ne suis pas blanc. Oui, peut-être que toi tu vas le prendre comme ça, après il y a d'autres personnes qui par exemple... Mais on assume comme on est. Mais après, après il y en a qui n'aimeraient pas être définis parce qu'ils sont... Voilà, c'est ça. Par exemple, moi je suis... je suis habillé en noir, ah bah t'es habillé en noir, t'es la personne qui est habillée en noir. Non, tu es une personne. Tu vois, comme les autres, tu es pas forcément une personne handicapée, tu es une personne comme les autres, comme tout le monde. Petit exemple, par exemple, les personnes. On parlait des personnes en fauteuil roulant. Je pense que quand on dit handicap, handicapé, ça les gêne un peu parce qu'en mode, ils sont mis dans une case, ils ne sont pas avec nous. Mais il y a aussi des handicaps invisibles, j'ai envie de te dire. Par exemple, on ne sait pas là, mais peut-être nous quatre, il y en a peut-être un qui est handicapé, mais c'est un handicap invisible. Enfin, je ne sais pas. Qui est handicapé, en fait, je pense qu'on nous a mis un stéréotype en tête qui est, ouais, la personne handicapée, je ne sais pas, elle est dans sa solitude. Les personnes handicapées sont dans leur coin, n'aiment pas trop se mélanger avec les personnes normaux de peur qu'on leur rappelle que, ouais, toi, t'es en situation d'handicap ou qu'elles ne soient pas incluses dans les sorties ou des trucs comme ça. Ce qui est handicap ou machin, je trouve que les médias en ont joué une part aussi de comment ils ont mis le handicap, que les médecins comme aussi en ont joué une part, ont mis les handicaps et comment nous on nous a fait percevoir l'handicap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a une personne handicapée, on se sent un peu gêné parce qu'on ne nous a pas appris avant comment approcher. Et on se dit toujours dans la tête, oups, attention, faut pas que je dise ça, oups, attention. Donc on évite d'aller vers ces personnes-là et souvent, c'est un peu triste de le dire, mais on ressent le mal qu'elles ont. Et du coup, notre cœur, il réagit. Et en fait, ils ne veulent pas avoir de la pitié. Moi, je pense que ça existe depuis la nuit des temps. Maintenant, je pense que dans le monde dans lequel on vit, chacun doit marcher sur l'autre pour réussir. Et que c'est pas en restant faible façon de parler ou soft qu'on va réussir à aller au-dessus des autres, autant en bonne compétition et en bon terme. Ouais, l'équipe, ouais, j'aime bien. Bah, l'équipe, de toute façon, on a souvent joué sur ça parce que moi, vu que je suis chez les pompiers. On a souvent l'esprit d'équipe et franchement, c'est la meilleure des relations parce que quand on a un bon esprit d'équipe, on est comme une famille. Donc c'est vraiment bien. Il vaut mieux parfois être avec des gens et rester en équipe et soudé que parfois rester seul. J'ai remarqué que dans les pompiers, il n'y a pas beaucoup qui sont du même délire que moi. Pourtant, on est tous unis et tous soudés, quoi. Et généralement, on affronte la TMCV4 du lycée. Donc la TMCV4, c'est pas nos ennemis, mais c'est des personnes du lycée qu'on aime bien, mais on aime bien chamailler tout le temps. Sur un stade. En équipe, donc c'est notre classe contre leur classe. Pour ma transition d'un collège privé où il y a vraiment beaucoup de personnes d'une haute classe sociale, on va dire, et de blancs, sans vouloir offenser personne, ou dans un collège où il y a des personnes de couleur noire qui sont pas forcément de haute classe sociale. C'est un autre monde, totalement différent en vrai. Hein. Une nouvelle façon d'apprendre, une nouvelle façon de penser. Donc il a fallu s'adapter à ce nouveau monde, j'ai envie de dire. Moi, s'adapter, ça me fait penser à l'être humain en général. On s'est toujours adapté à des situations. Comme s'adapter du collège au lycée, des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai, tu vois aussi ça. Même quand on part en stage, nous, parce qu'on est en pro, on s'adapte à la vie de professionnel. Non, moi j'aime bien m'adapter. J'aime bien changer de monde, découvrir de nouveaux trucs. Ça me fait penser à le titre de l'album d'un rappeur qui s'appelle Kershan. Son album s'appelle Confiance. Il dit aussi qu'avec un peu de confiance, ça va le faire. je leur dirais aussi de pas avoir peur de s'adapter et de découvrir de nouvelles choses. Voilà, d'avoir confiance. Voilà, confiance en soi, plus important. Parce que si t'as pas confiance en toi, qui peut avoir confiance en toi ? Ben c'est ça. Je suis un poète.